ce jeudi à Assemblage Requis. Un reportage en direct des changements climatiques avec les gars de Vidon là dans la question. Et Maxime Lemuller-Amé, dans sa chronique hebdomadaire, vient nous parler du nouvel album de Dumas. Tout ça, c'est à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, jeudi 15h.